Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous commençons donc l'émission en ouvrant une grande fenêtre sur l'astronomie des 50 dernières années. Je suis en compagnie de Jean René Roy, il est astrophysicien et au cours de sa carrière, il a œuvré à partir des grands télescopes un peu partout sur la planète. Il est impossible de présenter l'homme en une seule phrase, mais cet automne, il a publié un livre qui s'intitule « Les carnets d'un astrophysicien », c'est aux éditions Multimonde. C'est une lecture passionnante qui nous fait découvrir les recherches en astrophysique de Jean René Roy, bien sûr, mais aussi sa contribution au développement des grands télescopes, le tout avec en toile de fond l'histoire de l'astronomie, la culture et le contexte géopolitique des nombreux pays où il est travaillé. C'est une vie, une carrière très riche et on va tenter d'en retracer quelques épisodes. Bonjour Monsieur Roy. Bonne fin d'après-midi, Madame Levé. Donc, bon, forcément, vous êtes astrophysicien, astronome. Des fois, je ne sais pas trop si on doit vous appeler astronome, astrophysicien. Mais j'aimerais qu'on commence par parler de vos propres recherches en astronomie ou en astrophysique. Vous allez me préciser peut-être ça. Vos premiers travaux ont porté sur l'étude de notre étoile toute proche, le Soleil. En effet, dans ma carrière de chercheur, j'ai touché à un certain nombre de sujets d'astronomie. Je suis toujours resté actif en astrophysique ou astronomie. Et c'est un peu par accident que je me suis retrouvé à la fin des années 60 aux États-Unis dans un programme où on accueillait les étudiants au doctorat dans un grand observatoire américain. C'était en Californie? C'était au Nouveau-Mexique, Sacramento Peak Observatory. D'ailleurs, c'était un observatoire qui était opéré par l'armée de l'air américaine pour comprendre l'activité solaire et ses impacts sur la haute atmosphère. Mais ils avaient aussi des programmes de recherche fondamentale. C'est un peu toute une histoire qui m'a amené à ce sujet-là. Mais je crois que c'est peut-être été un premier signe, un premier saut, comme j'en ai fait beaucoup d'autres dans ma carrière. À tous les 10 ans, j'ai changé un peu de sujet sur lesquels je travaillais. En fait, un peu plus tard, je suis passé à l'étude du milieu entre les étoiles, le milieu interstellaire, les gaz qui se forment, qui se condensent pour former des nouvelles étoiles. Et une dizaine d'années plus tard, je suis passé à l'étude des galaxies, des grands systèmes solaires. Mm-hmm. Donc, je me considère que je suis expert en rien, mais je connais beaucoup de choses. Et plus particulièrement sur le Soleil, c'était quoi? Qu'est-ce que vous étudiez sur le Soleil? Oui, à l'époque, je me suis intéressé beaucoup aux phénomènes éruptifs qui ont lieu sur le Soleil, qui en fait définissent un peu ce cycle d'activité solaire qui a un maximum tous les 11 ans. Les taches noires, les taches qui sont des sites de très hauts champs magnétiques, qui sont aussi les lieux où se produisent des phénomènes de grands courts-circuits électromagnétiques et qui résultent en l'éjection de grandes quantités de matière dans l'espace, qu'on appelle éruption solaire. D'ailleurs, il y en a eu une il y a 2 jours assez importante et d'ailleurs, on nous avise qu'il y aura peut-être des possibilités d'aurore boréale assez spectaculaire ce soir. Et dans la région de Québec, il fait très beau, il y a un peu de lune. Donc, mon intérêt n'était pas les aurores boréales, quoique j'ai toujours été intéressé à ce phénomène. Depuis toujours, comme un peu tout le monde. Mais j'en étudie un peu une des causes primaires qui est les éruptions à la surface du Soleil qui se produisent un peu de façon imprévue, mais sur le long terme, il y a un peu un effet saisonnier qu'on appelle le cycle solaire. Tous les 11 ans, il y a un maximum. Et alors, donc ensuite, vous avez été voir ce qui se passe plus loin sur les étoiles plus loin, puis le milieu interstellaire. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, en fait, dans le programme qui m'a amené, en fait, l'étude du milieu interstellaire, c'était un changement assez important de carrière. Ça a correspondu, en fait, avec mon arrivée à l'Université Laval à Québec en 1977. Dans le cadre de l'inauguration, en fait, de la fin de construction de l'Observatoire du Mont Mégantic, qui est sur le Mont Mégantic, pas très loin du lac Mégantic, et qui est un observatoire qui a été mis sur pied, construit conjointement par l'Université Laval et l'Université de Montréal. Et on est arrivé à un certain nombre de chercheurs et on a eu des ressources pour démarrer des nouveaux programmes de recherche. Et je me suis dit, bon, c'est un télescope pour observer les étoiles. Moi, j'étais du domaine d'observation du Soleil. Les machines, les systèmes pour observer le Soleil et les étoiles sont très différents. Mais quand même, techniquement, ça posait aucun problème. Mais je me suis dit, je vais mettre au point des programmes d'études pour observer la nuit, les étoiles. Il y avait un domaine qui m'intéressait beaucoup, c'était la physique des gaz à travers la galaxie qui finalement se condensent éventuellement pour former des étoiles et des planètes. Et mon programme d'étude était en fait de comprendre comment ces phénomènes de condensation, d'effondrement se font et d'étudier les propriétés des gaz une fois que les étoiles se sont formées. Il y a des phénomènes de turbulence assez importants et c'est, disons, très technique. C'était quelque chose, en fait, qui a été le sujet d'étude de plusieurs travaux à l'Observatoire du Mont-Mégantic et d'ailleurs qui a donné lieu à la première thèse d'observatoire d'astronomie observationnelle en 1983. Au Québec? Au Québec, oui. Puis donc, justement, vous en parlez là de cette importante contribution que vous avez eue pour la naissance de cet observatoire. Et ça fait aussi partie des jalons qu'il y a eu dans votre carrière à contribuer, à mettre sur pied des équipements, des observatoires à Mégantic, mais bien ailleurs dans le monde aussi. Oui, absolument. En fait, Mégantic a été une école extraordinaire et l'observatoire reste encore un lieu de formation et d'entraînement pour nos étudiants qui est à l'avant-garde. Le télescope reste de dimension modeste par rapport à d'autres grands télescopes. Mais l'équipement, les caméras qu'on y met sont des instruments très performants. Et aussi, ça a été pour moi la première école pour participer à l'établissement d'un nouveau télescope. L'effort a été mené brillamment par René Racine de l'Université de Montréal à l'époque et un certain nombre de chercheurs dont je faisais partie moi-même. Par la suite, en fait, très rapidement, j'ai été impliqué peut-être plus au niveau de la gestion scientifique dans d'autres grands télescopes, entre autres le télescope Canada-France. Oui, un télescope de 3,60 m. Quand on parle de 3,60 m, c'est la dimension du miroir principal, qui était le premier grand télescope au sommet de Mauna Kea à Hawaï, à 4 200 mètres d'altitude. Donc, quelques années à passer là-bas aussi. Oui, en fait, je suis allé observer, j'ai utilisé le télescope Canada-France Hawaï à partir du début des années 80, lorsqu'il est entré en fonction. Et rapidement, je suis devenu enfin un des membres des principaux conseils qui recommandait les priorités scientifiques et tout. Et plus tard, je me suis retrouvé même sur le conseil de direction. Et donc, j'ai été impliqué aussi à certains autres efforts de télescopes que le télescope anglo-australien. Donc, vous remarquez les noms des télescopes sont les noms de plusieurs pays parce que ces grands projets sont soulevant des collaborations internationales de plusieurs pays à cause de leurs coûts et d'autres raisons pour mieux définir un instrument qui est puissant, qui suscite l'intérêt de plusieurs personnes et de faire appel à des expertises qui sont dans plusieurs pays. Donc, parce que le nombre d'astronomes est assez réduit dans le monde. On est peut-être 10 000 au total dans le monde entier. Donc, il y a eu ces observatoires à Hawaï, en Australie, au Chili également? Oui, le Chili, j'y arrive plus tard. D'abord, disons, j'ai une carrière qui a commencé, disons, en 1969. J'ai été 23 ans professeur et chercheur à l'Université Laval, au département de physique, génie physique et d'optique. Et en 2000, en fait, j'ai quitté l'Université Laval. Je suis parti pour travailler, prendre la direction du télescope Gemini à Hawaï, qui était un des très grands télescopes qui sont apparus au tout début de notre millénaire, des télescopes dont le miroir avait, dans ce cas-ci, 8 mètres de diamètre. On en avait deux, un à Hawaï et l'autre au Chili. Donc, j'ai été finalement en charge de celui d'Hawaï de 2000 à 2006. Et en fait, en 2006, un changement à la direction, et en fait, on m'a demandé si je voulais aller prendre un peu les responsabilités du télescope qui était au Chili. Donc, je me suis retrouvé de 2006 à 2009 au Chili. Les deux télescopes Gemini sont deux grands télescopes qui n'observent pas nécessairement le même objet dans le ciel. Pas avec les mêmes outils. C'est à peu près, les télescopes sont identiques, tous les systèmes sont identiques, mais le système d'instruments est un peu différent. Le but ici est de pouvoir voir tout le ciel, tout l'hémisphère nord et tout l'hémisphère sud en positionnant stratégiquement un télescope dans l'hémisphère nord, celui d'Hawaï. Hawaï est toujours dans l'hémisphère nord, quoique certaines gens peuvent penser ailleurs. Toujours, Et le Chili nous permet d'avoir accès au ciel de l'hémisphère sud. Alors, vous avez donc travaillé à mettre en place ces installations. Est-ce que vous étiez quand même capable de mener une recherche scientifique en parallèle? C'était, disons, un peu plus difficile parce que j'étais en charge de mener les équipes. J'avais... c'est une question de gestion, de coordonner les équipes, les efforts. Oui, j'ai aidé beaucoup d'abord à définir des projets d'observation pour les gens. J'ai exécuté beaucoup d'observations pour d'autres chercheurs, mm-hmm. parce que dans les nouveaux télescopes, les astronomes, les utilisateurs sont dans les universités à travers le monde. Et dans un observatoire moderne, viennent rarement au télescope. Ils soumettent, préparent leurs demandes, et il y a une programmation qui leur permet d'établir exactement les séquences d'observation que nous, on vérifie pour mm-hmm. qu'on ne perde pas de temps. Donc, les observatoires, les grands observatoires, sont un peu comme des satellites en orbite, sauf qu'on est sur la Terre, et ce sont des astronomes de l'observatoire spécialisés qui connaissent bien, qui exécutent les observations des autres. Donc, j'ai fait beaucoup de travail d'observation pour d'autres équipes, moi-même, même si j'étais en charge de ces équipes. Et d'ailleurs, d'être au télescope moi-même, ça m'a amené à comprendre beaucoup mieux ce qui se passait. Surtout de jeunes télescopes qu'il faut mettre en route et ça marche pas toujours de comment tourner la clé dans sa voiture. Donc, et j'ai aussi, je me suis intéressé à certains problèmes d'astrophysique comme l'étude et la recherche de planètes autour d'étoiles proches de nous, les exoplanètes, qui était le domaine qui a littéralement explosé depuis 2000. Ouais. Et puis, de télescope en télescope, vous êtes aussi arrivé, alors en arrivant dans les hautes sphères de l'organisation scientifique américaine, là, la National Science Foundation, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est intéressant parce qu'au fond, j'ai non seulement changé de sujet d'étude en astrophysique, mais j'ai eu le privilège de faire un peu tout. D'enseigner, de chercher, de diriger un grand observatoire, diriger des équipes. Et en 2009, en fait, j'ai été invité à appliquer sur un poste qu'on appelait conseiller au bureau des grandes installations scientifiques aux États-Unis, qui est situé à la National Science Foundation à Washington, en fait, Arlington plus précisément. Et c'est un petit groupe, ces grandes installations scientifiques, c'est un petit groupe de 4 personnes qui conseillent le directeur de la National Science Foundation. Cette institution, cette agence est responsable de toute la recherche fondamentale qui est faite aux États-Unis, aussi une recherche appliquée dans à peu près tous les domaines, incluant même les sciences humaines. Mm-hmm. Le budget annuel est de 7 milliards. De ce 7 milliards, il y a à peu près 1,4 milliard qui va pour financer l'opération de grandes installations. Il y en avait 17, il y en a encore, il y en a peut-être 18 maintenant. Ce sont des bateaux de recherche océanographique, ce sont des accélérateurs de particules, ce sont des grands télescopes. Donc, notre rôle, nous, dans ce groupe, était de visiter les différents centres, différentes installations, et de voir si elles étaient gérées d'une façon sage, productive du point de vue scientifique. On aidait et on mettait sur pied les différents groupes d'évaluation. Donc, ça m'a amené à toucher des domaines comme le forage des fonds marins, comme des observatoires écologiques, comme des accélérateurs de particules. Et j'ai trouvé cette étape-là de ma carrière, même si ça a duré que 2 ans, absolument fascinante. C'était comme arriver à un grand buffet de machines scientifiques extraordinaires. Et ce qui est toujours important, ce sont les gens qui sont derrière ces machines. Ouais. Et d'être en contact avec eux, de voir l'enthousiasme, d'aider les gens aussi lorsqu'ils font face à des problèmes, à résoudre leurs problèmes. Et souvent, c'était quelqu'un d'autre a déjà eu le problème. Ah, c'est pas nécessairement un bateau, ça peut être un accélérateur de particules. Souvent, il y a des questions de management, de gestion qui sont assez communes à toutes ces grandes installations scientifiques. Fait que c'est toutes les choses qu'on lit à travers votre livre. Donc, on lit pas seulement juste de l'astronomie, de l'astrophysique, on lit aussi finalement la mise en place de toutes ces grandes installations d'observatoires ou autres installations scientifiques. Puis, ça se passe toujours un peu sous un fond politique de la région où vous êtes, parce que vous avez voyagé, donc on sent bien que vous avez visité pas mal de pays à travers votre métier. Donc on lit par exemple que vous êtes en Californie au moment de la guerre du Vietnam, donc il y a des réflexions qui se font à travers ça. Puis il y a aussi cet épisode en Russie, c'est quand même assez incroyable. Ouais, l'épisode de Russie, ça fait 40 ans. En fait, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans le livre, que la science se fait dans un contexte, on est des humains, on est connecté au reste de la planète, et ce que le scientifique fait est souvent déterminé non seulement par son propre intérêt, par ses propres intérêts de recherche, mais aussi déterminé par les ressources qui vont lui être disponibles, qui vont être donnés aux chercheurs ou à des groupes de chercheurs. Donc, on dépend de la politique locale, nationale et même globale. Et aussi, on ne peut ignorer certains grands événements. Vous avez fait allusion à la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam a eu un effet colossal sur, je dirais, la croissance des investissements en recherche, surtout aux États-Unis. Mm-hmm. Ça a été un peu, on peut voir finalement la fin de la guerre du Vietnam comme correspondant à l'espèce d'essoufflement du grand projet Apollo d'allunir plusieurs équipages humains sur la Lune. Il y a eu 6 allunissages, je crois, mais il y avait une projection d'en faire au moins une vingtaine. Mm-hmm. Donc, il y a eu un essoufflement, souvent, non seulement par perte d'intérêt, mais surtout par finalement le financement qui a dû aller ailleurs. Ah ouais. Les États-Unis avaient leurs propres problèmes d'inégalité sociale, etc. et tout. Et le pays s'était endetté de façon extrêmement élevée avec cette guerre qui n'en finissait pas. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer quand on fait de la recherche et dans toute autre activité de la société. J'ai essayé de montrer comment la science dépendait de certains événements. Pour revenir l'événement de ma visite à Moscou, qui est un chapitre qui coupe le livre un peu en deux parties, je me suis retrouvé, en fait, à la fin de 1973, donc à Moscou. Et la circonstance, là, brièvement, c'était que je m'intéressais aux gens qui faisaient partie d'un groupe qu'on appelait les Refuseniks. C'était en fait des scientifiques juifs et des artistes juifs, des intellectuels juifs, qui faisaient l'objet de beaucoup de discrimination. En Russie. Parce qu'ils étaient juifs. Souvent, et la discrimination était provoquée pour toutes sortes de raisons d'antisémitisme, comme il y en a existé dans tous les pays du monde à différentes époques. Et c'était une époque assez difficile, des années 60-70, et les gens perdaient leur boulot, carrément. Et souvent, les gens de la famille perdaient leur boulot. Et d'autant plus que si, par cause de cette ostracisation qu'ils subissaient, certains commençaient à demander des visas d'immigration pour aller en Israël. L'Israël était très ouvert pour les recueillir. Dès que la personne faisait la démarche pour faire une demande de visa d'immigration, la personne était mise à la porte de son institution. Et souvent, le conjoint et la conjointe subissaient le même sort, et souvent dans la famille. Donc, ces gens-là étaient complètement isolés scientifiques, mais il y avait des chercheurs de très haut niveau, et moi j'ai appartenu à un groupe qui essayait de les aider. J'étais à l'Institut de technologie de la Californie à cette époque. On envoyait tout ça, on envoyait des articles, il y avait des gens qui téléphonaient, même si plusieurs avaient les lignes téléphoniques coupées, les gens allaient chez quelqu'un d'ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvé finalement dans une espèce d'aventure où on m'a demandé d'aller participer comme quelqu'un venant de l'extérieur à un de leurs colloques qu'ils avaient. Ces gens-là se réunissaient avec les gens qui étaient en institution et ceux qui l'étaient pas. C'était un peu pour garder une vie de scientifique normale. Les gens se réunissaient chez quelqu'un, un des chercheurs qui avait perdu son poste, à son appartement. Donc, et en fait, on m'avait demandé si j'étais intéressé à aller participer à ce colloque-là, qui avait lieu tous les deux semaines. Et la raison pour laquelle celui-là était important, on voulait tester un projet qu'on préparait pour juillet 1974, je vous fais revenir longtemps en arrière, où il devait avoir un sommet entre le secrétaire du Parti communiste, Brejnev, et le président américain Nixon. Et les scientifiques russes, tous ces Refuseniks en particulier, voulaient utiliser cet événement pour avoir une plateforme où ils auraient une centaine de scientifiques de l'extérieur qui viendraient à un super colloque comme celui auquel j'allais participer. Et on voulait voir comment c'était facile, comme moi, de venir, c'est-à-dire de s'introduire comme touriste, donc officiellement touriste, et d'aller chez quelqu'un comme ça de ses propres moyens. Donc, et c'est ce que j'ai fait et tout. Et d'ailleurs, l'épisode, si vous voulez en voir plus de détails, vous verrez dans mon livre. Et surtout, ce qui est arrivé au mois de juillet, qui a été assez cocasse et assez tragique dans certains cas. Oui, en tout cas, ça montre bien que le chercheur n'est pas isolé dans son laboratoire, et encore moins derrière son télescope. Là. Dans ce cas-là, c'était une question de solidarité avec des collègues ailleurs dans le monde. Il a les deux pieds sur Terre, finalement. On essaie. Ouais. Et puis, à travers votre livre, on dirait aussi que vous profitez de tous vos déplacements pour vous abreuver à la culture locale. On dirait que vous sautez sur la moindre occasion pour aller voir un concert, une exposition, visiter un site historique. Alors, on se promène finalement à travers votre livre. On va en Hollande, on va en Écosse, à Paris, en Australie, au Chili, au Japon. On visite les sites mégalithiques. Finalement, on fait un tour du monde. C'est très passionnant. On va dans les sources chaudes du Japon. Est-ce que c'est le reflet de votre curiosité naturelle? Est-ce que c'est pour ouvrir ce livre sur d'autres domaines que l'astronomie? Ou finalement pour montrer que tout est relié quelque part? C'est un peu tout ça, Madame Levé. Ce qui m'étonne un peu, je regarde que j'ai passé 23 ans de ma carrière à l'Université Laval, mais j'ai passé 23 ans de ma carrière hors du Québec. Ouais. Et j'ai vécu et travaillé dans 7 pays. Mm-hmm. Donc, ce ne sont pas seulement des visites brèves, comme la visite à Moscou, dans un cadre exceptionnel, mais j'ai vécu et travaillé dans quand même sept pays. Ça fait beaucoup de culture. Ça fait beaucoup, et je me suis toujours intéressé dans chacun des pays à essayer de connaître un peu plus. Et du point de vue culturel, j'ai toujours été intéressé à certains aspects particuliers, comme j'ai toujours un intérêt pour la musique contemporaine qui m'est arrivée je sais pas trop où, là. Mm-hmm. Et je continue à avoir cet intérêt-là. Et par exemple, quand j'étais à Paris, pour une année, j'ai eu le privilège d'être là en même temps qu'il y avait un extraordinaire festival de musique contemporaine française-russe, et avec des compositeurs comme le petit-fils de Shostakovich qui venait, qui était présent. Donc, c'est un mélange d'intérêt personnel, de toucher un peu à tout, mais en même temps, en faisant le livre, j'ai voulu montrer que tout est interconnecté. Mm-hmm. La science, c'est pas une petite boîte qu'on met de côté. En fait, elle est bien imbriquée. Les scientifiques eux-mêmes, pas tout le monde, on a chacun nos intérêts qui peuvent être plus ou moins pointus. Dans mon cas, peut-être, j'aime à peu près pas tout, mais j'aime beaucoup de choses, surtout sur le plan culturel. Et l'autre chose aussi et c'est une chose qui revient comme un thème, c'est de rappeler que la science d'aujourd'hui vient d'efforts continus qui ont été faits pendant des millénaires et surtout pendant les derniers siècles, une très grande richesse de contributions scientifiques qui nous ont amenés où on est maintenant. Mm-hmm. Donc, j'ai fait ressortir certains personnages très importants de l'histoire scientifique. Mm-hmm. Ce n'est pas une histoire des sciences, ce n'est pas une histoire de la musique, ce n'est pas une histoire de l'astronomie comme telle. Ce sont des carnets de voyage, en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ça se lit bien, d'ailleurs, parce qu'on visite, par exemple, la mosquée bleue d'Istanbul. On va voir les sites mégalithiques, on va voir plein de choses, puis tout ça nous ramène à des anecdotes historiques et à des éléments d'astronomie. Alors, vous parlez des astéroïdes, par exemple, la forme des galaxies, des exoplanètes, la vie et mort des planètes, des étoiles. Donc, on passe un peu à travers tout ça. Puis, ça m'amène... Forcément, vous faites un tour des connaissances en astronomie depuis les 50 dernières années. Puis là, si je vous pose la question, quels sont les faits marquants? Un ou deux faits marquants des dernières 50 années en astronomie. Donc, c'est peut-être un point de vue un peu personnel, mais je pense que mes collègues seraient plutôt d'accord. Quand même, dans le livre, je suis un peu sournois, là. Je m'en suis servi aussi comme base pour parler d'astronomie. Donc, il y a à peu près 30 sujets d'astronomie que je traite. C'est pas un traité d'astronomie. Je dirais qu'il y aurait trois choses qui me frappent dans le développement de l'astronomie des dernières décennies. La première, c'est l'arrivée en trompe, maintenant, d'exoplanètes. Ouais, donc, ouais. Et moi, je l'ai vu, cet effort au télescope Canada-France-Hawaï, où on considérait les gens qui cherchaient la présence de planètes autour d'étoiles proches, en ayant des évidences précises, physiques, comme un effort quasiment désespéré. Et tout d'un coup, à la fin des années 90, les choses débloquent. On commence à trouver évidence de présence de grosses planètes autour d'étoiles. Et maintenant, ce qu'on voit avec différentes techniques d'imagerie, de passage de planètes devant l'étoile mère, qui produisent comme une petite éclipse. On a identifié des milliers d'étoiles proches avec système planétaire. La plupart des planètes qu'on identifie sont relativement grosses. La majorité, en fait, sont plutôt de la grosseur de Neptune, qui est quelque chose entre la Terre et Jupiter. Donc, cet univers, avant, où on ne faisait que spéculer combien y a-t-il d'est-ce qu'il y en a d'autres et tout, maintenant... Tout d'un coup, là, c'est l'avalanche et j'ai vu la croissance de la communauté où il y avait quelques individus et maintenant ce sont des milliers de personnes. L'autre chose qui, moi, je trouve une des grandes découvertes, c'est qu'on avait, c'est l'accélération de l'expansion de l'univers. Et ça, c'est quelque chose de déroutant parce qu'on ne sait pas la physique qu'il y a derrière cette force qui est comme une antigravité qui propulse l'espace comme quelque chose qui est en expansion, entre guillemets. Mais en expansion accélérée. C'est comme si, tout d'un coup, vous lancez votre balle dans les airs, et au lieu que votre balle monte, décélère et retombe, vous envoyez votre balle et en s'élevant, elle s'accélère et vous échappe. Donc, l'espace est comme ça. Et c'est, on comprend pas trop ce qui se passe. Et l'autre facteur aussi, c'est que ce qu'on appelle le moteur de cette accélération, on l'appelle l'énergie noire, quelque chose qu'on sait pas trop ce que c'est. C'est pas une très belle appellation, dans le sens, c'est pas très précis, mais ça indique notre... un peu ignorance jusqu'ici, qui va probablement faire appel de la physique qu'on connaît mal. Est-ce que ce sera une physique qui sera d'une applicabilité à des choses qu'on voudra faire à l'échelle terrestre et tout, j'en doute, mais c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et peut-être la dernière chose, c'est aussi relié aux exoplanètes, c'est d'avoir réalisé toute la richesse de notre système solaire. Avant, on pensait qu'il y avait le Soleil et 9 planètes. On en a dégommé une, Pluton. Mais on a ajouté des milliers d'astéroïdes, des dizaines de planètes mineures. Il y a une richesse d'objets qui nous tournent autour, comme les géocroiseurs qui nous rentrent dedans, comme au mois de février en Russie. Donc, il y a une richesse, mais qui est aussi non seulement un danger, mais un potentiel de découverte et aussi d'astres à étudier pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre univers. Alors, c'est presque la fin du temps qui nous était alloué. Je voulais juste vous poser une toute dernière question, mais là, il va falloir que vous me répondiez en 30 secondes. Parce que vous êtes officiellement retraité, je crois, mais au fond, on peut pas arrêter un homme comme vous de continuer à travailler, on dirait. Vous étiez il y a pas très longtemps au Chili et vous avez visité l'observatoire de l'ALMA. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce que c'est? ALMA, c'est le plus grand système de radiotélescopes qui a été mis ensemble au coût d'1,3 milliard par un nombre de pays européens, américains, le Canada est en fait partenaire, pour observer le gaz interstellaire très, très froid. Et les premières galaxies, les proto-galaxies en formation. Donc, c'est situé au nord du Chili, un endroit où le niveau d'humidité est très bas, c'est-à-dire la quantité de vapeur dans l'atmosphère terrestre est très faible parce que c'est important pour que le ciel soit très transparent à ce genre de longueurs d'onde qui sont très courtes, beaucoup plus longues que les ondes, les micro-ondes qu'on utilise généralement pour communiquer entre nous. Donc, des futures découvertes probablement, comme je l'ai mentionné, découvertes de systèmes en formation, en particulier de gaz à des températures de l'ordre de 100 à 300 Kelvin. Donc, planètes en formation, étoiles en formation, galaxies en formation. Et l'autre chose aussi très importante, c'est un domaine de longueur d'onde, ce qu'on appelle le millimétrique et submillimétrique, qui est du domaine des ondes radio, où on peut détecter une quantité phénoménale de molécules organiques et non organiques. Donc, c'est un outil extraordinaire pour étudier la chimie de l'univers, la composition chimique de tous les nuages de gaz on le sait maintenant, amène la matière à des niveaux de complexité beaucoup plus grands qu'on pensait, parce qu'on y retrouve maintenant des molécules qu'on appelle prébiotiques. Ce n'est pas la vie, mais ce sont les matériaux de base pour la vie. Donc, ALMA a un futur assez extraordinaire. Alors, on va devoir s'arrêter là. Vous m'aviez prévenu que vous pouviez parler pendant 4 ou 5 heures. J'ai pas de mal à vous croire, mais on va devoir s'arrêter là. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu au studio nous présenter votre carrière et aussi ce livre, Les carnets d'un astrophysicien, qui, comme on peut le voir, c'est bien plus que le parcours scientifique d'un homme. C'est tout un voyage dans l'espace, le temps, sur notre planète Terre et dans l'univers. Un livre passionnant aux éditions Multimonde. Alors, merci beaucoup, Monsieur Roy, d'être venu nous en parler. Merci, Madame Levé, et merci à tout le monde. Et maintenant, nous, on va revenir sur Terre et passer en publicité sur CKRL, mais restez avec nous, car au retour, on part en Europe sur la piste des loups.